Lettre dixième, Sulpici à Calpurnie, Rome, mars 301. Tu n'auras pas ma visite accoutumée, cher Calpurnie. Une lettre me remplacera. Malgré le peu de distance qui nous sépare, je serai privé du bonheur de te voir. Des cruels, des insensibles, à la tête desquels est Serranus, pourquoi suis-je obligé d'ajouter mon père, en ordonnent ainsi. Novius, ce misérable affranchi qui a laissé dégrader notre villa, se venge par d'infâmes calomnies de ce que j'ai découvert ses malversations. Il instruit mon père et Serranus de ma liaison avec Tiridate. Pour regagner les faveurs de son maître, il a tout employé pour faire paraître cette liaison sous le jour le plus désavantageux. Il nous a prêté des crimes, une conduite digne de son âme basse, mais dont nous sommes tous les deux incapables. Nous nous aimons, il est vrai, mais sans avoir à rougir. Car la base de notre amour est une estime réciproque. Et l'un de nous ne pourrait cesser de la mériter sans cesser aussi d'être aimé. Que ce vil affranchi soit instruit de nos plans pour l'avenir, de tout ce que nous avons décidé entre Tiridate et moi pour légitimer un jour nos sentiments, voilà ce qui me paraît incompréhensible. Mon père est furieux. L'idée d'un divorce avec l'époux qu'il m'a donné et d'une alliance avec un prince barbare, il nomme ainsi Tiridate, selon les préjugés de Rome, lui fait oublier et les malheurs de sa fille, qu'il a daigné plaindre souvent, et sa tendresse paternelle. Je te l'assure, Calpurnie, malgré mon désespoir, je supporterai sans murmurer ses reproches, ses injustices, si je n'en voyais pas le vrai motif. La famille des Anicius est puissante. Leur influence à la cour est très grande. Mon père est ambitieux. Il a trois fils placés à la cour. Le crédit de Serranus peut leur être utile. Déjà, je fus sacrifié à leur projet. Je dois l'être toute ma vie. Cette idée me révolte et rend ma situation plus cruelle en excitant contre moi la tyrannie de ces hommes avides. Le faible et léger Serranus n'oserait certainement pas m'accabler de reproches et d'injustices s'il n'était excité, soutenu par mon père. Il me tourmente sans relâche, tantôt par des injures, des menaces, tantôt par ses plaintes, ses remords et son amour. Son amour ! Calpurnie, quelle indignation j'éprouve lorsque j'entends prononcer ce mot sublime et sacré par un être aussi incapable de l'éprouver que de l'inspirer, qui le prodigue sans cesse à des femmes la honte de leur sexe. Ces tourments durent depuis 8 jours. Dans les commencements, je les ai endurés sans me plaindre de la part d'un époux qui pouvait se croire outragé par ma passion pour un autre, quelque pure qu'elle soit. Mais actuellement, mon état n'est plus supportable. Toutes mes actions, tous mes mouvements sont épiés par mes esclaves. Je suis traité par eux comme un enfant rebelle. Je rougis de t'avouer qu'il m'est défendu de sortir seul et de te voir. On te regarde comme ma complice. On sait que tu es la confidente de Tiridate, la mienne, et l'on nous croit capables tous les trois de choses que la bienséance et ma propre estime me défendent de répéter. On m'a déclaré durement que je ne te verrai plus seul un instant. Lucia, la nourrice de Serranus, ou Serranus lui-même, doivent m'accompagner partout où j'irai. Depuis qu'on m'a imposé cette contrainte, je ne suis pas sorti de mon appartement. Je reconnais dans cette rigueur l'esprit indomptable de mon père. Il rougirait, dit-il, de voir sa fille l'épouse d'un prince étranger, et il n'a pas honte d'abaisser son enfant, de le déshonorer aux yeux de ses esclaves. Sens-tu, Calpurnie, combien je suis malheureuse et abandonnée? Tiridate est loin de moi. Il m'est défendu de te voir. Je suis seul, sans secours, à la merci de mes tyrans. Dieu, donnez-moi la force de la résignation ou celle de briser mes chaînes. »